Francis Jammes, Je m'embête. Je m'embête. Cueillez-moi des jeunes filles et des iris bleus, à l'ombre des charmilles où les papillons bleus dansent à midi, parce que je m'embête, et que je veux voir de petites bêtes rouges sur les choux, les ailes, on dit les os, les lys. Je m'embête. Ces vers que je fais m'embêtent aussi, et mon chien se met à loucher, assis, en écoutant la pendule qui l'embête comme je m'embête. Vraiment, ces trois cils de ce chien de chasse, de ce chien de poète, sont cocasses. Je voudrais savoir peindre. Je peindrais une prairie bleue avec des mousserons, où des jeunes filles nues danseraient en rond autour d'un vieux botaniste désespéré, porteur d'un Panama et d'une boîte verte et d'un énorme filet à papillons verts. Car j'apprécie les jeunes filles et les gravures excessivement coloriées où l'on voit un vieux botaniste éreinté qui longe un torrent et se dirige vers l'auberge.